Et merci à vous, bien sûr, d'être venus ce soir si nombreux. Des aujourd'hui, des au revoir. Des gens qui rient et des regards. Des tout petits moments de vie. C'est quoi la vie, c'est des histoires. De l'énergie, de désespoir. Des grands chiffres, des grands écarts. Des tout petits moments de vie. C'est des histoires, des bruits et des verres au comptoir, des rendez-vous et des retards, des mélodies de l'appétit. C'est quoi la vie, c'est des histoires, de vieux amis, des coups à boire, des discussions et des départs, des rendez-vous et des retards. C'est du combat avec l'ennui, avec les idées qui s'enfuient et qui répètent une fin de fête.